Bon, vous êtes à l'écoute de CHUO FM 89.1. C'est Lachenal l'appareil. Je m'excuse bien gros pour les auditeurs de Gaia Spec, mais semblerait-il qu'ils sont partis en vacances et donc ils vont seulement revenir possiblement l'année prochaine, donc la saison prochaine. Et puis, c'est ça. Alors, je suis ici en train de remplir l'heure de midi à une heure pour les prochains 4 ou 5 semaines, si on garde évidemment à la radio. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, on va faire de la musique de films et donc seulement de musique de science-fiction. C'était le thème principal de 2001, Space Odyssey. Et puis, le morceau en particulier, je pense, s'appelle The Speak, Zara Fusco, quelque chose comme ça. C'est un thème classique. Et puis, on va aussi faire une couple de trames sonores de science-fiction, dont la Guerre des étoiles, évidemment, Terminator 2 qui va suivre prochainement. Et puis, autres que sûrement vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas. Alors, il y en a là-dedans qui vont être relativement bien connus et donc faciles à digérer. Il y en a d'autres aussi qui vont être un petit peu plus... un petit peu difficile à écouter. Par exemple, des pièces de la trame sonore d'Akira, Close Encounters of the Third Kind, sont un petit peu moins communes, si on veut. Alors, c'est ça. Donc, restez à l'écoute. On va suivre avec Terminator 2, le thème principal. Et après ça, on va enchaîner avec une pièce qui est plus particulièrement un thème représentant les Klingons dans la série de Star Trek. En particulier, c'est pour le film The Motion Picture, qui est le premier. Et puis, essentiellement, donc, la scène, si on peut se l'imaginer, quoi, c'est les Klingons qui se retrouvent face à un ennemi et qui se font anéantir. Donc. Alors, la partie militaire, c'est la partie des Klingons. La partie avec les cordes qui vibrent ou whatever, c'est l'ennemi qui se présente et donc détruit les Klingons. Et je vous reviens après ça pour vous dire d'autres conneries par rapport. Alors, c'est ça, restez à l'écoute, c'est CHUO 89.1. RFM. On est de retour sur les ondes de CHUO FM 89.1 FM. Alors donc, comme je disais précédemment, l'émission Gaïa Spec a été remise, disons, à peut-être la saison prochaine. Ils sont partis en vacances, semblerait-il. Et puis donc, on fait jouer de la musique de trame sonore aujourd'hui, particulièrement de la musique de science-fiction. Ce que vous venez d'entendre, c'était donc une pièce tirée de Star Trek The Motion Picture. C'était un combat donc entre les Klingons et l'ennemi inconnu, disons, au début du film. Et puis, c'est ça. Donc, alors, on va passer une couple de pauses commerciales. Et puis, après ça, on va revenir avec quelques thèmes de Star Wars. Alors, restez avec nous sur CHUO 89.1 FM. CHUO 89.1 FM. Votre diversité, votre radio. Bonjour, tu es une femme et tu as le goût de t'engager au sein d'un organisme qui offre des services aux femmes d'expression française qui ont vécu de la violence à caractère sexuel? Le CALAX, Centre francophone d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel d'Ottawa-Carleton, est à la recherche de femmes comme toi. Alors tu peux nous téléphoner dès maintenant et devenir intervenante bénévole pour la ligne Info Soutien. Nous offrons une formation gratuite. La prochaine formation sera offerte dès le mois de mai. Pour signaler ton intérêt et participer à cette formation, communique avec Gaétane avant le 24 avril 2000 au 789-8096. Le 789-8096. Ce message est co-présenté par CHUO 89,1 FM. Alors nous voilà de retour. Là, les prochaines pièces qu'on va faire jouer et... C'est donc des trames sonores de La Guerre des Étoiles, Star Wars, Empire Strikes Back, etc. Je vais juste mentionner une couple de choses. C'est que c'est donc ma première émission. Alors, si vous pouvez l'imaginer, je suis un petit peu nerveux. Et puis, spécialement après avoir entendu l'impressionnant Daniel Benoit pour le top 20 francophone qui vient de passer tantôt. C'est donc, je pense, de 10h à midi, à tous les jeudis. Alors, faut m'excuser si je bafouille et puis je me fous le doigt dans l'œil de temps en temps, je commets des bévues. Mais en tous les cas, on se reprendra la semaine prochaine. Alors, c'est ça, la prochaine chose qu'on fait jouer, ça va être de Empire Strikes Back en particulier. C'est le thème qui est reconnu comme étant le thème de Darth Vader, l'Imperial March. Ça va suivre avec le thème de Shizor, qui était un personnage dans une histoire qui suit entre Empire Strikes Back et Return of the Jedi. Ça existe seulement en livre, et puis ils ont fait une trame sonore pour, et donc le thème du personnage principal va suivre. Et ensuite, on va faire jouer le thème qui est représentatif, si on veut, de l'empereur l'empereur dans Return of the Jedi. C'est vraiment une pièce qui s'appelle Emperor's Throne Room, mais la musique contenue est vraiment plus particulière, particulièrement, c'est-à-dire représentative du personnage en tant que tel, même si c'est pas un thème spécifiquement pour lui. Alors, c'est ça. Donc, on va sortir du méchant. On va faire jouer les thèmes des méchants dans les films de la Guerre des Étoiles. We'll be right back. Alors, c'était l'Empereur Palpatine sur les ondes de CHUO 89.1 FM. Et donc, c'était trois pièces de la trilogie de Star Wars, évidemment avec l'Imperial March, qui est donc le thème de Darth Vader, et ensuite suivi de Shizor's Theme, qui est un des personnages, pas dans la série au cinéma, mais c'est-à-dire dans une des histoires qui relie Empire Strikes Back et Return of the Jedi. Alors là, on a fait jouer des thèmes qui étaient relativement connus, qui se digèrent très bien, et donc sont un petit peu plus intéressants pour certains. Et puis, en tout cas, il faudra que je fasse ça vite à cause, je suis en train de manquer de temps. Les prochaines pièces vont être un petit peu plus difficiles à écouter, j'imagine, c'est un petit peu plus challenging. On commence évidemment avec un morceau qui est un petit peu plus facile, c'est Moonraker. C'est une pièce qui s'appelle Flight in Space. C'est pas tout à fait de la science-fiction, mais c'est plus de la science-fiction qu'un film d'action, ce film-là. Et puis, la pièce... le démontre très bien. Ensuite, ça va être une pièce de Fifth Element qui s'appelle Mondo Shawan, qui commence à être un petit peu plus compliqué. Et puis après ça, on va faire Close Encounters of the Third Kind. Ça va être le thème que tout le monde reconnaît, la passe de 5 notes. C'est la passe au complète de 4 minutes. Et donc, c'est essentiellement une communication qui se fait entre les extraterrestres et les humains. Et donc, les notes qui sont plus hautes sont les humains, et puis les notes plus basses sont les extraterrestres. Donc, c'est une passe de communication qui se fait par musique. Et puis, ensuite, on vous revient très brièvement, et puis on va vous parler un petit peu plus de ce qui va suivre après ça. Alors donc, prochainement, John Barry pour le thème « Flight into Space ». Thank you. Bon, mais alors décidément, c'est un morceau qui me donne le goût d'aller aux toilettes. Et ça tombe bien parce que justement, le prochain morceau va être relativement long. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut justement apporter leur journal, aller faire leurs petites choses, c'est un morceau de 14 minutes et demie. C'est un morceau de la trame sonore d'Akira, qui est un film de science-fiction animé. Peut-être pas le meilleur des films, mais la trame sonore est succulente. C'est vraiment un des meilleurs disques compacts que j'ai jamais écouté. Alors, je vous fais essayer ça. C'est 14 minutes donc de musique. C'est de la musique asiatique et ce que ça s'appelle Requiem, qui est donc la fin du film et essentiellement c'est supposé de compléter l'histoire d'Akira, et ça va compléter mon émission parce qu'on manque de temps, et donc le thème de Blade Runner que j'avais l'intention de vous faire écouter à la toute fin sera pas joué. Alors on se reparle la semaine prochaine avec probablement une autre émission, mais sûrement pas de trame sonore. Ça va sûrement quelque chose d'un petit peu différent, justement pour vous garder les oreilles retroussées. Alors, c'est ça. Salut, à la prochaine, et on se revoit la semaine prochaine à la même heure. Thank you.